la famille. C'est pour les balafres parisiennes du 1 au 20. C'est pour la France, la banlieue et ses provinces. Pour ma banlieue, aux ceintures de feu, si tu veux. La banlieue de Paris, toujours vive quand il s'agit de cash. Tous anti-shérifs, y'a des taffeurs et des apaches. Des équipes de 10, 11, rien que des picots et des plaques. Aussi quelques gitans asiatins, tout dans le même sac. Pour ceux qui crient haut les mains, mais qui ont le cœur sur la main. Essayons de sortir de là pour la femme et les gamins. Aujourd'hui c'est demain, donc demain c'est aujourd'hui. HLM style, un gros danger donc un gros produit. Les jours sont souvent les mêmes dans un HLM. Merde, petit reste plus en bas, fumer de l'herbe. Ou tu tapes, ou t'en tires une, ou tu gerbes. Chaque ruelle n'est pas faite que pour aller pisser. HLM style et la nature de l'homme qui aime être en planque dans un H2LM. Habitation à loyer loin d'être modéré. C'est frais, car dehors on est debout et chez nous trop serré. Mais 124 frères et 12 sœurs, on n'a pas toi qui coûte pas cher. Sors en 12 heures même pour rien faire. Car si tu restes tu vas encore faire chipper la matière. Énerver le pater qui se demande à quoi on sert. Assis comme des connards dans une banlieue quelque part. Ou dans une rue parisienne comme celle des gâtes ou quelle part. Fait aux poulettes avec extasique sur leur débardeur. Au gang member et ceux dans la barre pour 104 heures. La banlieue de Paris toujours vive quand il s'agit de cash. Tous anti-shérifs, y'a des taffeurs et des apaches. Des équipes de 10, 11, rien que des picots et des plaques. Aussi quelques gitans asiatins tout dans le même sac. Pour ceux qui crient haut les mains mais qui ont le cœur sur la main. Essayons de sortir de là pour la femme et les gamins. Aujourd'hui c'est demain, donc demain c'est aujourd'hui. HLM style, un gros danger donc un gros produit. Ça craint relevé du lit, les anciens écoutent toujours. Au pipi on est toujours au P, mais le petit frère dort quand même dans le canapé. On peut te kidnapper pour une barre symbolique. Pour faire du fric j'ai besoin d'un pic, un beat et d'un brolic. Chronique meurtrière, ma âge fait divers. Ça dégaine vite à la seconde, plus de 100 grammes et des dizaines de litres. En Écosse avec des temps, j'ai des noix, y'a des bolides qui ont la gouache. Conduit par des mecs tout bourrache. La rage de vivre pour les gains et les requins. On est toujours au top, même si notre putain de piste fait un flop. On maîtrise les vis, on glisse. Et les CP pour les grosses locks de chez Avis avec la mise. Ce qui compte c'est l'échec et les schnecks. Et dans nos quartiers la croissance de l'échec est nette. Des petits étudiants qui te rentrent dedans. Avec des beaux renois qui manquent les deux dents devant. La banlieue de Paris toujours vive quand il s'agit de cash. Tous anti-shérifs, y'a des taffeurs et des apaches. Des équipes de 10, 11, rien que des picots et des plaques. Aussi quelques gitans asiatins tout dans le même sac. Pour ceux qui crient haut les mains mais qui ont le cœur sur la main. Essayons de sortir de là pour la femme et les gamins. Aujourd'hui c'est demain, donc demain c'est aujourd'hui. HLM style, un gros danger donc un gros produit. HLM style dans notre manière de penser, de parler, de découper, de caler. Ou bien de couper, décaler. Des taffeurs et des brigands qui fricotent et fréquentent. Des taffeuses ou des renzettes à la culotte intrigante. Des dégradés ou boule à z intermittente. Et ceux qui laissent pousser pour camoufler leur tête piquante. Ça fait selon le jigsaw et les thunes. D'après elle on assure un max. Et d'après nous on est tous bien, ça fait ghost box. Fashion à l'ancienne, classique class ou new-yorkais. Ouais, si on s'appelle ma gueule ou ma couillonne. J'ai déterré la hache et la colombe se fait graille au KFC. Et les tapins on les lève GRC à force de sucer. Moi il me faut juste un forêt 13 pour percer un micro pour Bercy. Et plus la foule va crier merci, merci. Si t'as pouka va poil tu vas danser le mapuka. Ça se paye comme un couba ou t'asseoir sur une bouteille de coca. Des hommes d'affaires comme Babani, Sissoko, des 6 gros mythos. Qu'après l'inchage finissent aux hôpitaux. Vas-y push si t'as rien à faire ici. T'es un peu comme un mec argent dans une putain de rave party. Mente les mureaux, trap ça tire plaisir. Fontenay chante loup, écoute mon 13 coups. J'suis toujours dans le coup. La banlieue de Paris toujours vive quand il s'agit de cash. Tous anti-shérifs, y'a des taffeurs et des apaches. Des équipes de 10, 11, rien que des picots et des plaques. Aussi quelques gitans asiatins tout dans le même sac. Pour ceux qui crient haut les mains mais qui ont le cœur sur la main. Essayons de sortir de là pour la femme et les gamins. Aujourd'hui c'est demain, donc demain c'est aujourd'hui. HLM style, un gros danger donc un gros produit. La banlieue de Paris toujours vive quand il s'agit de cash. Tous anti-shérifs, y'a des taffeurs et des apaches. Des équipes de 10, 11, rien que des picots et des plaques. Aussi quelques gitans asiatins tout dans le même sac. Pour ceux qui crient haut les mains mais qui ont le cœur sur la main. Essayons de sortir de là pour la femme et les gamins. Aujourd'hui c'est demain, donc demain c'est aujourd'hui. HLM style, un gros danger donc un gros produit. HLM, HLM, HLM. Wesh la famille. HLM, HLM, HLM. Wesh la famille. 91, 92, 93, 7, 8, 7, 7, 7, 5. Et bien sûr le style est 9, 5, 6, 9, 3, 1 et 5, 9. HLM style, cousin dans le style, y'a pas de bluff. 91, 92, 93, 7, 8, 7, 7, 7, 5. Et bien sûr le frère est 9, 5, 6, 9, 3, 1 et 5, 9. HLM style, cousin dans le style, y'a pas de bluff. Yeah.